Par une de ces pâles matinées, Jeanne, immobile, chauffait ses pieds au feu de sa chambre, pendant que Rosalie, plus changée de jour en jour, faisait lentement le lit. Soudain, elle entendit derrière elle un douloureux soupir. Sans tourner la tête, elle demanda « Qu'est-ce que tu as donc ?» La bonne, comme toujours, répondit « Rien, madame. » Mais sa voix semblait brisée, expirante. Jeanne déjà songeait à autre chose quand elle remarqua qu'elle n'entendait plus remuer la jeune fille. Elle appela « Rosalie ?» Rien ne bougea. Alors, la croyant sortie sans bruit, elle cria plus fort « Rosalie !» Elle allait allonger le bras pour sonner, quand un profond gémissement, poussé tout près d'elle, la fit se dresser avec un frisson d'angoisse. La petite servante, livide, les yeux hagards, était assise par terre, les jambes allongées, le dos appuyé contre le bois du lit. Jeanne s'élança. « Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as ?» L'autre ne dit pas un mot, ne fit pas un geste. Elle fixait sur sa maîtresse un regard fou et haletait, comme déchirée par une effroyable douleur. Puis, soudain, tendant tout son corps, elle glissa sur le dos, étouffant entre ses dents serrées un cri de détresse. Alors, sous sa robe, collée à ses cuisses ouvertes, quelque chose remua. Et de là, partit aussitôt un bruit singulier, un clapotement, un souffle de gorge étranglée qui suffoque. Puis, soudain, ce fut un long miaulement de chat, une plainte frêle et déjà douloureuse, le premier appel de souffrance de l'enfant, entrant dans la vie. Jeanne, brusquement comprit, et, la tête égarée, courut à l'escalier criant « Julien ! Julien !» Il répondit d'en bas « Qu'est-ce que tu veux ?» Elle eut grand-peine à prononcer « C'est Rosalie qui... » Julien s'élança, gravit les marches deux par deux, et, entrant brusquement dans la chambre, il releva d'un seul coup les vêtements de la fillette et découvrit un affreux petit morceau de chair, plissé, geignant, crispé et tout gluant, qui s'agitait entre les deux jambes nues. Il se redressa, la face méchante, et, poussant dehors sa femme éperdue, « Ça ne te regarde pas, va-t'en, envoie-moi le père Simon. » Jeanne, toute tremblante, descendit à la cuisine, puis, n'osant plus remonter, elle entra dans le salon, qui restait sans feu depuis le départ de ses parents, et elle attendit, anxieusement, des nouvelles. Elle vit bientôt le domestique, qui sortait en courant. Cinq minutes après, il rentra, avec la veuve Dentu, la sage femme du pays.